Salut, comment vous allez? Moi, je me présente, je m'appelle Vanessa. Et pour moi, la couleur rouge il représente la force, le courage et la détermination. Et beaucoup la déterminent comme une couleur de passion. Moi, je la vois comme une couleur de force, une couleur de détermination, une couleur très puissante. Ça, c'est ma définition. Merci.